Quel vécu, et toi, Triton. Dada. Rap, rap, rap. Ya, ya, ya. Saint-Etienne, vous êtes là ou pas? On est là ou pas? Allez, Pierre. Un petit big up au cri de la lune, Pierre. Avec Vincent qui est en train de filmer derrière, ça va arriver. Dada, Loïc Ospil derrière. Allez, bonne écoute. Et la première, elle s'appelle Bal Masqué. Grosse casse dédiée à tous les copains-copines qui s'équipent et qui sortent couverts. Ah ouais, c'est ça, sortez couverts. S'il y avait une apocalypse zombie ou un truc dans le genre. Plutôt une révolution. Moi, je sais pas à quel point, mais je veux bien un peu plus de retour casque, s'il te plaît. Ouais, la même. Aïe aïe aïe, espoir Triton. Ok. Synthé, on est là ou quoi? Tu as levé crew, ma gueule. Aïe aïe. Ok, écoute, La caravane passe et les chiens les amatraquent. Marcheurs passés, pensent sont tachés, face cachée, pas sans fâcher. Tous prêts à faire, les sans pas, vas-y des boules, fous ta cagoule. On va fouler les pavés, car en nous y'a la rage. Déguisé, défilé, d'un joyeux carnaval. Ohé, ohé, au bal masqué, génération ingouvernable. Et 4, 5, 6, 2, 3, 4, pas de dents pour faire valser. En catharsis, un gouvernement controversé. Sortons des files d'attente et puis les files d'acier. Qu'on pète enfin des portes et les centres pénitentiaires. Sortez les artifices contre les états créanciers. Ouvrons les orifices de nos dictateurs financiers, car tous les jours on subit, mais en vrai on garde la patate. Sacrifié mais pas vaincu, personne ne quitte le champ de bataille. Génération un peu perdue, mais qui fera tomber les masses. Et quand ils visent en tir tendu, c'est toute la foule qui contre-attaque. Remplissons de couleurs les rues des villes, et vu que nos rires dérangent, brandissons les drapeaux et trinquons à la liqueur d'essence. C'est pas nous qui posons la première à l'édifice qui fait le jeu de la violence. Jetons la pierre à la police. Qui fait le jeu de la violence? Le jeu de la violence, jetons la pierre à la police, ouais. Trinquons à la liqueur d'essence. Trinquons à la liqueur d'essence. Jetons la pierre à la police. Ok, yeah. Écoute, Triton, sur la route des balivernes, et tu témoins à la putain de jungle, les lions se déguisent en brebis. T'as un uniforme et un flingue, mais tu débites que des conneries. Qui décide de suivre les rails, l'ambiance de plus en plus obscure. Quand c'est sympa de faire de la maille, brassé en flûte tendu mon cul. Je porte mes couilles, je me fais discret, alors j'écoute ce putain d'orage. Rends-nous la douille qu'il te disait, y'a comme un pilon dans le potage. La roue tourne pendant que je distresse, ça sent la rouille et ça diverge. Comme un air de sabotage sur la route des balivernes. Et dès qu'ils débutent des mômes, la liste s'allonge à une vitesse. Anomalie dans les atomes, derrière les leçons de politesse. Dehors, c'est le déluge, on a ramené des parapluies. Mais à côtoyer des méduses, tu vas choper des parasites. Et les pavés prennent leur envol, c'est vrai qu'il est beau le paysage. On dansera la farandole, trois barricades pour héritage. Antipathique, c'est quelques lignes, envie d'avenir de rêve lucide. En rime j'arrive, c'est la devise, antifasciste à la dérive. Avec la dalle du canassier, impatient de passer à table. Non pas de costard dans ce bal masqué, quand y'a plus le temps de convenir sa rage. Ouais, on fera partie des meubles avec tous ces thèmes monotones. Non, non, on fera partie de l'émeute avec des cocktails monotones. Génération ingouvernable. On fera partie des meubles, ouais. On fera partie de l'émeute, ouais. Hey, je fais pinko, les pinkins peuvent choper les cagoules, il faut aller en Mali. Grosse, grosse, grosse, c'est fort à tout le monde. Ceux qui nous écoutent, ceux qui nous connaissent, ceux qui nous connaissent pas aussi d'ailleurs. On fera partie de l'émeute. Ya ya, espoir Triton. C'était pas le masqué. Ok. Aya, en direct sur Radio Joe. Ça fait que commencer, hein. Ah oui, parti pour trois quarts d'heure, mon gros. Allez, la prochaine, elle s'appelle Pisser contre le vent. Et David, je te la dédie, celle-là. J'ai pas vu venir la suite, et qui te nous le dira? Comme hier, tout ira vite, poison viral, mais où ira ce virage? Une fois encore, sans cordage ni contrôle, tel leur satania. Souris d'hur, malgré ses nuisances, allégria. Suffit pas de le dire, ça bouffon et les triples criera. Voir sa vie au futur, ou à travers les trous d'un grillage. Compromis comme à bure, navigue à vue, navire sans barre, pas d'avenir sans abus. Alerte, j'ai presque plus de rhum dans mes cales. Contrôle musclé, aux caméras, tempérament nucléaire. Hello la terre, ici la lune, mais qui contrôle la centrale? Des rires radiants, triste fête, hein, les femmes. farfadets, on vont loin dans le far far west. Nos positions sont comme deux yeux qui finissent en grand écart. Mais si l'un dit merde à l'autre, c'est pas la mer à boire. Contradiction d'une vie de pauvre avec trop de rêves épars. Sans voler pour les îles, sans financer le palmier du Qatar. Des vestes de marque dans un quotidien qui n'en a pas. Le drapeau tricolore peut s'embraser, ce sont pas ces coloniales. Aujourd'hui, si c'est la mode d'avoir trois bandes, moi j'ai mes potes, ma mif, mes camarades pour jeter l'encre sur les plages du Furan. Saint-Té, un port d'attache, ironie du sort, la meeting pente entre les Sioux, les Gitans et les Apaches. Y'a que les gueux sur le toboggan et l'utopie zapatiste sur les couleurs d'un bandana. Y'a que les gueux sur le toboggan et l'utopie zapatiste sur les couleurs d'un bandana. Ça dégueule sur les trottoirs, petit poussé, suivi à la trace. Mur gris égal que t'as, le théorème posiclab à Composca. Pareil que t'es rien sans le bac, dans tous les cas t'es rien repente. Entre le bleu des gyrophares et le buzz des podcasts. Les avis en différé, interférence à tout étage. C'est difficile de fédérer les différences, sauf quand y'a match. Les manifs c'est culturel, à bas la CGT, vive les vacances. Si c'est pas une balle dans le pied, au mieux on a pissé à contre-vent. Mais qui se vante d'avoir fermé les frontières. Le front d'hier, l'air de la haine et Erdogan en featuring de la Frontex. En file indienne, des filles pas cher, des fils barbelés, des fils de la fachosphère. Et dans cette atmosphère hostile, qui ose dire ou qui ose taire, prosterne, austère, vu que c'est de la merde qu'ils profitent. Prospère à leur décompte, se prosterne face au décor. Conseil des prières à la con quand la mer entasse des corps. La terre est à des bornes, l'accueil est à débattre. Dos à dos à sa porte, Eldorado a créé son propre mirage. Faudrait former à la noix, on passe du radeau à la nage, de bardo à la farche. Et pas demain que leur monde nous ira. Vie à l'arrache, le feu aux poudres sous l'effigie du tissu noir d'un chiffon rouge. La tête de mort des pirates, pas de pinard que du rhum fort. Aussi sec que le Sahara, voyage ailleurs, nique les passeports et le commerce de Pattaya. Des vestes de marque dans un quotidien qui n'en a pas. Le drapeau tricolore peut s'embraser, ce sont pas ces coloniales. Aujourd'hui, si c'est la mode d'avoir trois bandes, moi j'ai mes potes, ma mif, mes camarades pour jeter l'encre sur les plages du Furan. Saint-Té, un port d'attache, ironie du sort, même les pote entre les Sioux, les Gitans et les Apaches. Y'a que les gueux sur le toboggan et l'utopie zapatiste dans les couleurs du bandana. Et l'utopie zapatiste sur les couleurs du bandana. Espoir. Synthé. Big up à vous. On va chiller un peu. Hey, yeah. Triton. Humeur versatile. Écoute. Ok. Je vais faire du rap et peu de manières, là je le relis, c'est que de la merde. J'irai nulle part sans écouteurs, je recroise des queues de la veille. Des litres de bière dans les escales du Tiex. Quelques frères, quelques flétards du père. Écoute, quelques centimes dans la poche, j'arpente le ciment gris de ma ville. Et je rêve Constantine sur la côte, je rêve de me sentir en vie tranquille. Mais si je tire fort, il va bouger quand le standing gentiment brille. Si tu tires à mes côtés, l'ami, tu tires dans le mi, je t'en prie. J'ai pas le don d'ubiquité, je sais que nombreux sont les combats si nobles. Un fond d'humilité, je me la me faire dans les débats d'ivrogne. T'envers ce qui semble ambitieux avec la flemme ou la fatigue. La haine en catharsis, une face pour ma belle anarchie. Ouais, je vois que les points de vue diffèrent, mais je vous emmerde, j'ai ni la force ni l'angle. Et je gratte des métaphores immenses. Mon rap, je lui donne la forme qui se danse. Liste longue d'aberrations, y'a de quoi gratter des théories. C'est pas de l'autoflagellation, on est des putains de terroristes. J'ai souillé mon cahier de rime, demain je me casse dans un chalet. Et toi tu te voyais carriériste, demain on se croit sous un kawaii. J'ai pas d'inspi, c'est un délire, et mes motivations ça me nuise. Tendre une main c'est un délire, et les bavures sont impunies. On a des conneries à assumer, des valeurs à s'enseigner. Des pauvres types à aduler, des labeurs à rengainer. À l'époque tous les trompas et les smicards qui font du zèle au taf. Ouais pour des payes minables, fils de vicelard, crier du nerf, font blard. Tout faire péter, ouais à se faire scier, c'est triste à dire, mais y'a plus que ça qui compte. Ouais la basta, y'a nada qui compte, et je laisse plein ma place. Quiconque épuisé d'expliquer, non j'ai pas changé d'un iota. J'caillasserai des kiss des pendant que tu me feras la morale. Loin de faire trembler des lignes de sbires, mais toujours sortir équipé. Ah, dans une heure d'un signe de vie, on sait courir et esquiver. Cette colère elle est luisante, la rage de vaincre est épuisante. Je remets les gants, ça joue des coudes, paraît que la reine était immense. J'ai souillé mon cahier dream, demain je me casse dans un chalet. Et toi tu te voyais carriériste, demain on se croise sous un kawaii. J'ai pas d'inspi, c'est un délire, et mes motivations ça me nuise. Tendre une main c'est un délire, et les bavures sont impunies. C'est pour mes branques et pour tous mes semblables. Par les portes standard, on a le temps pour ça, un toy, une banque, check mes amis vandales. On chante et les condés s'emballent, on chante et les condés s'emballent. Et au scandale, même les pompiers s'enflamment. Ouais, je déborde de seum, plus rien de sensas. On l'a déjà, des gens à la cave, on brasse de l'air et des fantasmes. C'était pas méchant à la base. Vivant à la route, tu peux l'appeler nuisance. Je tape une nuit blanche à la bourge, j'ai trop de respect pour toute la résistance. Au bord de la satire, faut que je rentre chez WAM, je peux pas taffer dimanche. Lève-toi, t'es mal assis, un jour viendra, il me fera jacquer le divan. Un track, j'ai fait la diff, il m'assassine, un pavé subversif. Instable et versatile comme un sagit, j'ai ramené super trait. Souillais mon cahier dream, demain je me casse dans un chalet. Et toi tu te voyais carriériste, demain on se croit sous un kawaii. J'ai pas d'inspire, c'est un délire, et mes motivations ça me nuit. Tendre une main c'est un délire, et les bavures sont impunies. J'ai souillé mon cahier dream, demain je me casse dans un chalet. Et toi tu te voyais carriériste, demain on se croit sous un kawaii. J'ai pas d'inspire, c'est un délire, et mes motivations ça me nuit. Tendre une main c'est un délire, et les bavures sont impunies. Si vous êtes aussi innocent que vous dites, pourquoi vous êtes-vous enfui ? C'est une excellente question. Je me suis enfui parce que vous me suivez. Ok, ok, c'est sur le pestage, allez voir sur internet. C'est coupable, c'est décidé. Alors dites-moi, pourquoi je me suis enfui ? Ya ya ya, Radio Joe, QLV Crew. Ah mais le bruit, ok, je me suis fait... J'ai rien compris. La foule okay, en délire. Ok. La vie n'est pas un film, si j'avais su aurais-je signé le scénar. Pas de cadreur, nous c'est les flics derrière les caméras. Pas le temps pour la mise en scène, des tas d'autres trucs me foutent le trac. Vu l'âge de ceux qui partent, j'ai peur de vivre qu'un court-métrage. Des pots de vin au pot de phoque, pour le haut du podium. Dans ce bas monde, tout est question de maquillage ou de serrage de main. Laisse tomber les spots, les paillettes et tout ce qui tourne en rond. Ton ombre a laissé plus de traces que les années 80. Et nous si on danse, malgré le triste sort, c'est qu'on s'est promis de briser la glace face à ce silence de mort. Tous les morts sous du miroir, c'est parpillé dans un jeu d'ombre et les heures sont finies par piller le synopsis de notre histoire. En bas des marches, pas un tapis pour être dans le rouge. On vit mille vies en un seul jour de production hollywoodienne. Loin des séries, loin de l'avenir, supermarché discount. Pas une affaire de couilles, y'a que par la nécessité qui nous tienne. Trop coupé au montage, on sera présent dans le making of. Les pins d'auteurs se font rares, on fera de notre clan un melting pot. QLV, crew au micro, quelques belles scènes, les crocs à cran. Pas à l'écran mais à l'échant, ouais à l'échant de ce scénario. Trop coupé au montage, on sera présent dans le making of. Les films d'auteurs se font rares, on fera de notre clan un melting pot. QLV, crew au micro, quelques belles scènes, les crocs à cran. Pas à l'écran mais à l'échant et à l'échant de ce scénario. J'ai voulu voir ma vie comme un film mais sans fond vert et sans artiste. Je crois que j'ai des flashs de mon avenir, ouais sans mon père et sans actrice. Je veux pas d'une vie sous antalgique, ça sent le twist alors j'attends la suite. Je pense que tu viens me prendre ta gifle, patience ou ouais, les vacances arrivent. Comme dans le doute, dans le stress, je fais de mon mieux en guise de figure. Là c'est comme dans tous ces textes, je tiens pas mon rôle plus de minutes. Mais là le triton, ouais c'est le rôle de ma vie. Dans ce film, tu sais, j'éclate des types. Un droit de regard sur ce que ça dit, donc en deux spies, j'ai raté 4 répliques, un meufil de gangster, des crimes racistes à Baltimore. C'est pas réel, c'est juste un sketch, c'est une saison de Black Mirror. Ouais les buildings s'écroulent sans les pixies sur la BO. Ce genre de film m'étouffe, je vis dans un navette super héros. Y'aura le spleen en caméo dans tous les volets de la saga. Je suis comme Truman au bar tabac, pas d'APN sans pastaga. Je soigne la migraine à l'eau bénite, je fais une passe D, un geste technique. Je nourris ma schizophrénie, y'aura tous mes blasts dans le générique. Trop coupé au montage, on sera présent dans le making of. Les films d'auteur se font rares, on fera de notre clan un melting pot. QLV, crew, micro. Quelques belles scènes, les crocs à cran. Pas à l'écran mais à l'échant, ouais à l'échant de ce scénario. Trop coupé au montage, on sera présent dans le making of. Les films d'auteur se font rares, on fera notre clan un melting pot. QLV, crew au micro, quelques belles scènes, les crocs à cran. Pas à l'écran mais à l'échant, ouais à l'échant de ce scénario. Vie marginale, égalité imaginaire. On marche hors cadre tel héros d'un quotidien légendaire. Effet perso, info spécial, effets spéciaux de tes énarques. Justice et tribunal, tout comme télévision et 7ème art. Et toujours dans le rush et à la dèche de temps, soucis souvent. Du mal à joindre les deux bouts à bout, comme quand t'es dans le mal. Ça plonge dans les clichés, mais en fonction des figurants, la focale se fait sur celui qui n'a pas le bon étalonnage. J'ai la rime fulgurante, même pas arrivé à nos âges, qu'on doit sauter des montagnes vu toutes les perches qui nous tendent. Chaîne de montage, j'étais un toc, flashback et conséquence. Avec le temps, nos plans séquences s'affirment en technique de découpage. J'ai qu'une vie générique avec des rêves en arrière-plan, une route amère, des vies infinies et des passions chronophages. Toujours planté dans le même décor, mais la motive reste inhérente. Amour itinérant, la montre. 32ème fond de verre en otage. Trop coupé au montage, on sera présent dans le making of. Les films d'auteur se font rares, on fera notre clan un melting pot. QLV, crew au micro, quelques belles scènes, les crocs à cran. Pas à l'écran mais à l'échant et à l'échant de ce scénario. Trop coupé au montage, on sera présent dans le making of. Les films d'auteur se font rares, on fera notre clan un melting pot. QLV, crew au micro, quelques belles scènes, les crocs à cran. Pas à l'écran mais à l'échant et à l'échant de ce scénario. Brrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa On est là. Ya, tu as le coup. Merci Sainté. Ok, on va profiter de cette énergie pour enchaîner direct. Désolé, c'est live, hein, c'est ça hein. 8-9-5 duo, eh ouais, ça arrive, ça arrive. Normalement, on se fait chambrer par le public, là. Allez, mon petit loup, c'est pour toi. Je me prends la vie comme elle vient, crois-tu vraiment que j'ai eu le choix? Est-ce que c'est plus que pour moi? Donc maintenant faut le faire bien. Un petit bébé dans les bras, une crête pour dessiner demain. Continuer à décimer ce que je crains, est-ce foutu monde contre quel on se bat? Et y'a ceux qui se barrent et ceux qui restent là. Chacun fait comme il peut, mais moi mon cœur ne peut pas rester à plat. Regardez par la fenêtre le train qui part. Regardez la pluie qui tombe et se dire, oh tiens il pleut. Si je l'ai raté à la gare, je vais au moins qu'il ait l'air gai et sonner l'alarme. Et s'il faut lancer la guerre, ils ont planté une telle haie qui nous sépare, qu'il a fallu qu'on ait la guerre sans jamais larguer la mare. Une route amère avec un roc en guise de phare. Le va-et-vient des vagues pour un instant éphémère. Un soleil d'hiver, sourire divin pour une course contre la montre en phare éteint. Je retombe dans mes démons, un verre vide sur la table, du miel et du citron avant de me verser du rhum dans une tasse. Un peu d'eau chaude, histoire de me dire que je bois pas seul. Y'a pas que la lune qui est pleine, je ne vivrai pas sans rancœur. Et sans regret ni remords, moi ça y est c'est déjà trop tard. Mais pour m'enlever mon sourire, il aurait fallu être à l'heure. J'en bats de tous mes torts, et si souvent j'en ai marre. Mais pour apprendre à se lire, faut accepter ses erreurs. Depuis toujours je rêve d'un album ou même d'une maquette. Mais si la boîte est vide, c'est qu'à ça que j'ai craqué l'allumette. À quoi bon mettre tous mes textes dans un disque? Dans la chanson, la blanche colombe s'est fait plumer comme l'alouette. Et j'ai jamais voulu rester ado jusqu'à 30 ans, mais devenir un daron et ça, devenir un adulte. Pas sûr d'avoir trouvé ma place dans ce foutu monde. Je trouve tellement immonde et je dois y faire grandir un enfant. Putain, mais faut trop de force et l'imagination débordante pour oser lâcher le banc quand tout le monde s'y raccroche. Avoir du répondant et toujours être au taquet. Trouver son second souffle pour continuer à faire tourner le tourniquet. J'ai trop failli à mes principes, crois-tu que j'en suis fier? On fera bien mieux aujourd'hui que tout ce qu'on a fait hier. En tant que père, il ne me reste qu'une seule promesse, lui faire aimer la vie sans lui maintenir des œillères. Je retombe dans mes démons, un verre vide sur la table, du miel et du citron avant de me verser du rhum dans une tasse. Un peu d'eau chaude, histoire de me dire que je bois pas seul. Y'a pas que la lune qui est pleine, je ne vivrai pas sans rancœur. Sans regret ni remords, moi ça y est c'est déjà trop tard. Mais pour m'enlever mon sourire, il aurait fallu être à l'heure. J'en bats de tous mes torts, et si souvent j'en ai marre. Mais pour apprendre à se lire, faut accepter ses erreurs. On va traverser. On va traverser l'Atlantique. Direction 2-3. Ok. Écoute, Triton. Je réchauffe les cœurs, je la tiens au chaud. Cette plume sous le manteau d'hiver. Et de soupir, je soutiens le propos et je taffe ma rime sans trop m'y perdre. Cours fort, y'a aux aurores et je rentre dormir en solitaire. J'y croiserai un croque-mort, il serait moins froid que le commissaire. J'écrirai une lettre au Pythagore du désespoir dans lequel je vous forcerai à vous taire. C'est plus sympa que l'effet de masse. Si le schéma se réitère, la ronde des gardes et Kaïtera. Je gamberge en attendant la fonte des glaces du verre d'espoir. Triton, un peu de bon sens, ouais, je me pars en mon âme et conscience. On va se cacher ce qu'on pense comme récompense. Face à très peu de constance, ça vaut pas le coup de pérage, j'en ai rien à fou d'attendrir, le style te gèle le bout des doigts comme un hiver outre-Atlantique. Je me déplace dans mascarade ou bien c'est le jour du carnaval local. Ouais, je crache dans Manhattan ce soir je m'en tabarnaque au bar. Je voulais décrire ce qui se passe, j'en ai ma claque de la routine. Voilà que je triture quelques syllabes dans un appart sale à Brooklyn. Aigri d'épreuves et d'ennui et sans but précis, je marche en ville. Refrain fort, tout est pathétique, mon verre toujours à moitié vide. Fondu dans le décor, je suis en ville, l'âme sur ma joue partant de pluie. Je suis beaucoup trop resté seul, ouais, c'était sûr que ça part en vrille. Aigri d'épreuves et d'ennui et sans but précis, je marche en ville. Refrain fort, tout est pathétique, mon verre toujours à moitié vide. Fondu dans le décor, je suis en vie, l'âme sur ma joue partant de pluie. Vous m'avez laissé seul, ouais, c'était sûr que ça part en vrille. La laisse plus lecter, faut que je m'isole, que je gratte devoir et oxymore. C'est étrange comme loin des yeux, on n'a jamais été aussi proche. Marmon punchline sous ma pushka, je suis en train de flinguer ma vingtaine. La souffrance en embuscade, je me sens vivant et ça m'inquiète. Je tape ces tensions, ma boîte crânienne, sortir de ma tête, une canadienne. Plus rien à prouver à ce beau monde, à part peut-être juste à moi-même. Je lui ai dit au revoir de la main et je l'ai regretté toute la nuit. Ouais, c'est comme se revoir gamin, d'avoir rien coché sur la liste. J'ai Keblo, le regard sombre, seul dans des trois sous des flocons. Il est derrière moi, le regard sombre, pas sous les toits, sous des motions. J'aspire encore à autre chose, même devant le pied d'un arc-en-ciel. Je ressens l'effet d'une balle dans l'yeux, bien que mes sevilles à l'antenne. Laissez-moi vivre loin du temps et loin de ces immeubles en pixels. Y'a tellement de trucs qui glacent le sang, partage la liqueur antigène. Je suis venu errer là par hasard, une silhouette dans cette nuit de ma vie. J'aurais rien laissé à part, une noisette sur la buée de ma vie. Écrit d'épreuve et d'ennui et sans but précis, je marche en ville. Refrain fort, tout est pathétique, ce verre toujours à moitié vide. Fondu dans le décor, je suis en vie. L'âme sans moi, je vous part en pluie. J'suis beaucoup trop resté seul, ouais, c'était sûr que ça part en vrille. Aigri d'épreuve et d'ennui, et sans but précis, je marche en ville. Refrain pour tout est pathétique, ce verre toujours à moitié vide. Fondu dans le décor, j'suis en vie. L'âme sans moi, je vous part en pluie. Vous m'avez laissé seul, ouais, c'était sûr que ça part en vrille. Triton! Bra bra bra! Ça vient de Saint-Té, ma gueule. Saint-Té, New York. Saint-Té, NYC. Et c'est toi qui vas enchaîner encore, du coup. Ah bah ouais, du coup, parce qu'il y a eu un problème. Et ouais, ouais, c'est ça, on est là. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Phase, bonne phase dépressive, là, ouais, on est là. Ouais, ouais, yes, là. C'est reparti, du coup. Ok. Crash du noir. Ouais, c'est ça. Va checker Staz sur Bandcamp. Triton. Allez, écoutez, Bandcamp, YouTube, Triton, Staz, STASE. C'est une époque en métastase. Dada sur les bacs. Bien. Yeah. Réveille à l'aube et l'esprit sain. Ok. Bien. Hey, hey, hey, yeah. Hey, hey. Ok. Bien. Yeah. Écoute. Écoute, réveille à l'aube et l'esprit sain, rare sourire amical. Moi je suis serein et matinal et je crierai fuck la magie noire. Le cul entre deux siestes, c'est pas vital mais ça m'enjaille. C'est quoi ton culte entre deux siestes? On attirail plein d'entailles, chagrin public. Et pour s'ouvrir faudrait peut-être bien se séparer. Pas bien subtil, on soit nos bars, c'est plus des pubs, c'est des HP. Matin lucide et je trouve du sang, je retrouve du sens à l'existence. Un simple bruit complet de silence, un coin de la ville songé s'y rend. Je suis bien meilleur avec moi-même, je crois que j'avais zappé l'essentiel. Moi et mes phrases et légendaires, on se retrouve ça, c'est l'essence même. Je rêve sous cognac, je fais des cauchemars. 30 punchlines dans l'arsenal. Des gauches droites, ce microphone, ce sac de frappe. Alors je le fuis. Ce sombre vice à l'horizon, puis je le vis. Mais je démolis cette opinion bidon. Je le raconte, mais ma vie en dit long. L'euphorie sauce pilon. Ce sombre vice à l'horizon, pour train de vie politique au mignon. Qu'est-ce qu'on va faire ici, à part du son? Est-ce déclingué le bossaire? Question d'éducation. Y'a son père pour égaler nos cernes. Entre l'arme et possède, j'ai troqué le pollen pour une armée de poèmes. On peut parler d'aubaine. Genre, tu peux parler d'aubaine. Secret polichinelle, mais la déprave, choix, ça parle à mes rêves. Vouloir travailler ce deuil et faire cavalier seul. Ça c'est pour tous mes petits minets, mais que je côtoie, à qui je parle pas des preuves. C'est pour ce horrible dilemme, moi je veux ni le voir, mais ni m'arracher l'œil. La profondeur, on l'a rayé de la carte, ouais fuck, tous ces tarés malades. Reste dans des appâts, pas besoin d'espace, ouais pour taper de la carte. Je garde le scaphandre, la côte de maille, explorer les abysses de près. Les abysses d'une piscine de pierre, j'en tremble, mais j'ai la peau tenace. Je peux pas subir la pression entre Pokémon et vestiges de navire. Freestyle session, une goutte de rhum comme technique de fakir. L'errance, tu la fatigues comme un couchable, jusqu'à dicter sévère. Dimanche chez la famille, je suis un soulard et ma reste désespère. Réflexion, j'expose les faits, si je le rappe. C'est pour l'adéquation, encore qu'on vive dans l'excès. Très peu viable, j'ai déjà fait l'équation. Je passe la saison à me biturer, à m'en arracher les amygdales. J'ai une bonne raison de tituber, c'est que je me suis lassé de la ligne droite. J'ai une bonne raison de tituber, c'est que je me suis lassé de la ligne droite. Bye bye. Yo, les petits infos du franc qui font plaisir là. Et nous le public, qu'est-ce que t'as? Attention, vous êtes derrière, on passe là ou quoi? Allez, ok, on va enchaîner sur rien de sans okay. Sas. Ah, rien de sans sas, ma gueule, écoute. Ah, aïe. Écoute. Ok. Rien de sans sas, un texte de plus, ouais j'ai très peu de thèmes qui diffèrent. Dans plein de fantasmes, là je tombe des nues, mais j'ai bien trop de rêves qui hibernent. Le temps c'est cool, ouais c'est la même, c'est comme ma peinture sur le tableau. Le vent souffle sur la plaine, 25 bougies sur mon gâteau. Non, rien de sans sas, ce soir je gratte une page vierge de mon cahier. Non j'ai pas de sac de frappe, juste quelques bières, mon flow calé. Attends pas que se calme l'orage, crier le calvaire des condamnés. Le bal s'embrache, je le vois, je me la ramène, je viens bombarder. Ici rien de sensationnel, on euthanasie avec des armes. Et ça sourit quand vient le soleil, trop peu d'avenir dans les débats. Un impact dans l'abdomen, tout est factice, ça m'est égal. À quoi ça rime, rentable oseille, les bleus pactisent avec des faves. Non, rien de sans sas ici. Entre gyrophare et patrouille, ouais, tellement rarissime. Tout le soulèvement de mes casse-coups. Et les flics deviennent zinzin, fait divers tous les trois jours. Une lettre à perlimpinpin, ton rêve de gosse soulève la foule, ouais. Et rien de sans sas, non, et si peu de choses sensées. Y'a rien de rentable dans nos poches, et plein de fantasmes dans nos pros. Foule le spell, foule la wa, personne n'est prêt pour l'attentat. Je serai du bras jusqu'à la mort. Non, moi, je vois pas ma vie sans ça. Rien de sans sas, non, et si peu de choses sensées. Y'a rien de rentable dans nos poches, et plein de fantasmes dans nos pros. Le spell, on fout le dawa, personne n'est prêt pour l'attentat. Je ferai du pourra jusqu'à la mort, non moi je vois pas ma vie sans ça. Rien de sans sas comme tous les soirs, j'écris aux versions de brouillon. Des rimes, des phases, des rires, des larmes, versus rature, écoute brouillon. Dans deux nuits qui bouillonnent, pour quelques lendemains sans brouillard. Dans une vie qui déboussole, là t'as ma version des brouillards. Rien de sans sas, les cons déboulent, les cons déboulent. Le bruit des bacs, ils sont des bulles, et puis des bats. Tu dis de classe, kiffe les matraques, dans ces baraques qui déverrouillent. Derrière les portes qui claquent, on serre les coudes, puis on se serre sous les yeux de leur gyrophare. Rien de sans sas, ça se sait, plus ça sait, plus ça passe. Sinon, sont des pastèques, c'est plus du vol à l'étalage. Des prunes, ma stock, nos salaires qui sont l'écart. Les Caraïbes dans nos rêves ne resteront que des cauchemars. Et rien de sensationnel, mon cœur a fini sac sous vide. Ascenseur émotionnel, y'a pas d'émoticône pour une vie en dents de scie. On fuse en fête, demain t'entends des scies. Fusées dans le ciel, se mettent à chanter. Laisse pas traîner son fils, rien de sensas, non. Et si peu de choses sensées, y'a rien de rentable dans nos poches et plein de fantasmes dans nos pros. On fout le zbeul, on fout le dawa, personne n'est prêt pour l'attentat. J'ferai du peur jusqu'à la mort, non, moi j'vois pas ma vie sans ça. Ouais, rien de sensas, non. Et si peu de choses sensées, y'a rien de rentable dans nos poches et plein de fantasmes dans nos pros. On fout le zbeul, on fout le dawa, personne n'est prêt pour l'attentat. J'ferai du peur jusqu'à la mort, non, moi j'vois pas ma vie sans ça. Rien de sensas, non. Les aiguilles tournent, j'aiguise ma plume. C'est bien plus qu'un passe-temps, j'écris bien plus que j'lis la une. Ouais, on nous la met explicite, gouvernement sans vergogne. On a qu'à buter des villes si ouvertement et sans faire le deuil. Cette nuit, plus rien ne me donne, plus grand chose de sensationnel. Non, rien de choquant, putain de désordre. Une fois de plus, j'trouve pas le sommeil. J'voudrais baiser les traîtres et trouver l'amour passionnel. Moi, j'voulais le faire bouger les têtes, sortir d'ici pour voir le soleil. Et rien de sensas, non. Et si peu de choses sensées, si puis toujours on s'en sort, c'est qu'on a voulu avancer. À contre-sens, à contre-pied, peut-être à tort ou à côté. Dans tous les cas, tous ces pas nous amènent à danser. Rien de sensas, mais tant de folie, et rien n'existerait sans eux. J'ressasse ces souvenirs vieux, les 400 coups en 106. Les camarades et puis la MIF, le NS et puis ceux qui puissent encore pour que ce puisse à nos futurs adieux. Rien de sensas, non. Et si peu de choses sensées, y'a rien de rentable dans nos poches et plein de fantasmes dans nos pros. On fout le zbeul, on fout le dawa, personne n'est prêt pour l'attentat. J'fais du peur jusqu'à la mort, non, moi j'vois pas ma vie sans ça. Rien de sensas, non. Et si peu de choses sensées, y'a rien de rentable dans nos poches et plein de fantasmes dans nos pros. On fout le zbeul, on fout le dawa, personne n'est prêt pour l'attentat. J'fais du peur jusqu'à la mort, non, moi j'vois pas ma vie sans ça. Bra bra bra bra, tu es le trou ma gueule. 8-9-5, Dio, Espoir et Triton en direct devant une foule en délire. On continue. C'est un délire. C'est un délire. Arrêtez-les. Ah oui. Ok, on enchaîne avec A Contrario. Ya ya. On a pas viré les narcotrafiquants pour les remplacer par des pocachiens. Bac à sable en 2010, abasourdi, je suis sorti de l'école à Uri. Après la classe, épreuve de sprint face à la brigade d'anticrime. T'as fait mes rimes, mais sans kiffer tes cours de linguistique. Ni un rappeur, ni un punk, j'suis qu'un soudeur qui encule l'industrie. Barre de métal et baraton, refait le monde sans baratin. Féministe, puisqu'il faut bien, mais j'garde putain à chaque ponctuation. En sudation, j'écris ma vie sans plume d'indien. Toi qui es-tu pour juger l'ambiguïté de nos situations? Si chacun refait sa norme, moi j'viens limer tous tes angles. Un carré rond sans triangle pour qu'on se comprenne encore. Pas de carré ras du carafon, on a la classe en chaîne en or. Dans toutes ses formes, là mon étincelle sous essence. Y'a des erreurs qui s'assument pas en une cuite. Le cri est fort, malgré l'effort. Je remonte la pente sur une fuite d'huile. Des larmes au rire, j'ajoute mon nom sur la longue liste des darons tristes. Via au risque, si tu savais comme j'emmerde tes fils harmoniques. Et je connais pas tes codes, encore moins la marque de tes habits. Dique mon époque, donc sors des bois, en sur Serge de Taquini. C'est pas comme si ou pas comme ça. Des pacotilles ou des quotas, des pas de côté, des pas comptables, des bakounines, là des connades. Et la pécona, la veux-tu vraiment pour demain? Demain, je lave mon linge sale dans les autres troupes de mon crachoir. J'en chie gaiement les avec la joie, un château de cartes, un pack de vin. Que si quelqu'un prétend sans faille, mais qu'il vienne donc s'asseoir. J'en chie gaiement l'échec, la joie. Un château de cartes, un pack de vin. Que si quelqu'un prétend sans faille, mais qu'il vienne donc s'asseoir. On garde la fougue et l'insolence. On est plus jeune et insouciant, le monde nous appartient. On passe ensemble les 1%. La lutte est belle, la ville aussi. Mais avec la map, on se guettera. Je me reconnais dans 1000 saucisses. S'il y a que moi qui compte mes pas. Toujours jamais assez thune pour pouvoir partir en vacances. Mais quand on boit notre amertume, on dépense plus qu'en partant. Entre sales histoires et lauréats, je vois des facettes des personnages. Et tous ces faces et faces. À l'heure où tout est façonnable, ça court après les étiquettes. Moi je navigue entre les images. Tu crois qu'on digère les dilemmes? J'avais pas prédit les sillages. Des poivres des teigneux. J'ai de la peine pour ceux qui s'emmerdent. Et des sales minots pour nos vieux. Et pour les autres jeunes qui pensent l'aide. J'ai pas gravi un seul étage. Pas pour un pins de Faluchat. Tout compte fait, on est des sages. Quand c'est pas nous les schlacs du soir. Peut-être bien un citadin dans le fond. Mais aux yeux de qui? Aux yeux de la MIF. Un triste gamin dans l'ombre ou un jeune adulte qui s'affirme. On a écouté les mêmes tracks. Remis en question nos égos. On a bouffé les mêmes pattes. Accoudé les mêmes épaules. Ouais, on porte pas les mêmes. On n'a pas signé les mêmes blases, on n'a pas vécu les mêmes bails, mais joué sous les mêmes préaux. Et on passe pour des sauvages pour se rendre un peu plus singulier. Je mettrai plus fut à l'eau de lavage, retape le store du teinturier. On est des bobos pour les punks, frères, et des totos comme les gones. Des prolos, tous des clones, mec, un croco pour mes obsèques. On se fait tourner les combines, ça pense à gruge en permanence. Puis on assume nos conneries, mais on rend pas fiers nos anciens. Non, on pisse sur les costards et on les enfile pour l'olerie. On voudrait souiller les monarques et on fait tourner les lobbies. Allez, fuck le retranchement, on sort les doigts, c'est déjà pas mal. J'y ai repensé en gardable, je veux veux voir mes narvals en cavale. Ouais, le tap ça rend avare, et non, c'est pas juste une question. Tu sais, le rap ça rend bavard, 24 mesures de subjection. Le tap ça rend avare, et non, c'est pas juste une question. Tu sais, le rap ça rend bavard, 24 mesures de subjection. Regarde la fougue et l'insolence, on est plus jeune et insouciant. Le monde nous appartient, on part ensemble les 1%. La lutte est belle, la ville aussi, mais avec la map, monte dans ce qu'est drache. Je me reconnais dans mille saucisses, y'a que moi qui compte mes pas. Toujours jamais assez d'une pour pouvoir partir en vacances. Mais quand on boit notre amertume, on dépense plus qu'en partant. Entre sales histoires et lauréats, je vois des facettes des personnages. Et tous ces fois, c'est face aux âmes, à l'heure où tout est façonnable. Radio Joe, NSC Crew, NSC QLV. Ya. Ok, ouais, grave. Allez, on va attaquer par confiserie, hein. Eh bah, on est là. Ok, on s'énerve un peu là. C'est écoute, allez voir le clip. Ok. Tiens, ça dit quoi? Ok, qui a parlé du Triton évolution après un EP de vie? T'as mis gueule, non mais disons que la solution c'était un peu de répit. Je continue le peu rat, tu sais pourquoi? C'est pour tout ce que je méprise. Ouais, je continue de le voir, c'est peut-être à croire que je suis un peu débile. Il continue bizarre, y'a moins de guitare, il a flingué l'entrée. Je suis venu vous manger aussi tricard que mon chemin pour entrer. Vous savez qu'à demander, je viens faire plomber l'assemblée. Je suis venu m'en balancer, pas danser, oh pas qu'à danser. Sortez les couverts, on dresse la table, c'est pour mon équipe à la buvette. Sors les canines pour la carcasse, j'initie les kids à la fumée. J'ai bien remis quelques ganaches, y'a trop de raisons de vous le partager. Non pas Sarah, non pas Satan, y'a trop de raisons de pas se lâcher. J'ai la grosse dalle, le ventre vide, j'envoie des pattes à tout plat de pattes. Vendredi en centre-ville, si la bac passe, un coup de fat cap. On fera griller l'uniforme, je suis un rôdeur, passe à ta fourberie. Uniforme multiforme, je te sors ta sieste avec 16 doubles rimes. J'écris pour les tarés, c'est pour les tarés d'autres persos. On soignera à notre manière, essaie de grailler votre cerveau. Je viens de parler du beau temps et tous ces gens qui font gerber le Dijon. On tue le temps, on le prend, après se rendre, moi je vous rendrai le micro. J'écris pour les tarés, c'est pour les tarés d'autres persos. On soignera à notre manière, essaie de grailler votre cerveau. Je viens de parler du beau temps et tous ces gens qui font gerber le Dijon. On tue le temps, on le prend, après se rendre, moi je vous rendrai le micro. Ok, yeah. On va pas s'arrêter là, là je viens de m'ouvrir l'appétit. Mais je vais vous faire taper des barres et sans sampler mes tas de récits. Une drôle de créature qui s'est gosie sur une instructotor. Je viens penser vos blessures, cet égo trite sera un bête de saumon. On pleura avant toute chose, j'ai plus de flow grâce à la cuite d'hier. Les couplets te rendent toute chose, mais je vous graille tous à la petite cuillère. Je joue pas avec les mêmes touches, aucun respect pour l'adversaire. Je me demande, t'as une conscience, qu'est-ce que t'as dit pour la faire taire. J'ai pas les poches pleines de flouze, un taf ingrat, j'ai pas les mots. Puis le réveil sonne 13h12, on a la dalle à l'apéro. Pour la petite sœur, une goutte de rhum, je te sers un bol de soupe de seum. Mais ça fait en noir toute l'année, je porte des couleurs un jour de deuil. Le dessert est salé, une rapta en guise de digestif. Elle est passée vite l'année, genre un trou noir, une crise d'épilepsie. J'ai touché la solution, courbé les chines une dernière fois. Étouffé de la pollution, retourné l'énigme une dernière fois. J'écris pour les tarés, c'est pour les tarés aux personnes. On soignera à notre manière, et là c'est grailler votre cerveau. Je viens de parler du beau temps et tous ces gens qui font gerber le Dijon. On tue le temps, on le prend, après se rendre, moi je vous rendrai le micro. J'écris pour les tarés, c'est pour les tarés d'autres personnes. On soignera à notre manière, c'est grailler votre cerveau. Je viens de parler du beau temps et tous ces gens qui font gerber le Dijon. On tue le temps, on le prend, après se rendre, moi je vous rendrai le micro. J'suis qu'un fêtard à la base, ouais, on rappera ça à l'ancienne. Un clébard à trois pattes, non, on passera pas la trentaine. 90 battements, un souffle au cœur pour s'exercer. Non, y'a pas de quoi tergiverser sur quelques ricanements. Et ton sommeil contre un bon flow, ouais, j'ai signé en jarronnière. J'avais lu le pacte en diagonale, tu parles d'une action de sabotage. J'parle de départ, grande aventure, mais j'suis encore là devant le microphone. J'm'endors là devant le bureau avec la feuille comme psychologue. J'jouerai le méchant dans la série, j'boirai ce mélange de vitamines. J'suis qu'un inculte, petite gueule d'ange, casserai l'écran. Je suis Triviani, je fais tout ça pour les tuer. Pas le temps, je vais bâcler la synthèse. Sur ce bon plan, on va se ruer. La bonne franquette à la guinguette. Tout m'appartient, je vais le décorer. Si c'est comme ça, moi, je joue le jeu. Toujours meilleur, c'est réchauffé. J'ai passé l'heure du couvre-feu. Je suis bien trop loin de vos balivernes autour de Neptune 2019. Je tatoue la ville, un style d'ivrogne. Partout à ti, j'écris le single. J'écris pour les tarés, c'est pour les tarés d'autres personnes. On soignera à notre manière, mais c'est grailler votre cerveau. Je viens de parler du beau temps et tous ces gens qui font gerber le Dijon. On tue le temps, on le prend. Après se rendre, moi, je vous rendrai le micro. J'écris pour les tarés, c'est pour les tarés d'autres personnes. On soignera à notre manière, là c'est de grailler votre cerveau. Je viens de parler du beau temps et tous ces gens qui vont gerber le Dijon. On tue le temps, on le prend, après se rendre, je vous rendrai le micro. Braille! Ya ya ya, c'est pour Triton, confiserie. Radio Joe, vous êtes toujours là. Synthé. Yeah. Ok. On va enchaîner sur un petit truc pour essayer. Ok. « La vie nous fait défaut, là d'entraîner les papas. Je passe d'une nuit à l'autre, même si la peine est là. Poteau embarqué, fiston en parkage. Bataille, mais j'affiche un sourire opaque. Et comme tous les autres, je vois un avenir opaque. J'en ai rien à battre, je suis tous les mardis au bar. Bagaille de classe, musique au cage. J'entends des voix pitchées avec des iroquoises. Et malgré l'époque, on est encore formidable. Je traverse le temps comme une table en formica. Comment, pourquoi, où est Ornica? Black, je tourne en rond de mon point de vue orbital. Et je vous envoie des mots du haut de mon mirador. J'envoie les lacrymos sur les conquistadors. Panique à bord, alligator. Je remue la merde du fond quand je vous ravive la forme. Je remue la merde du fond quand je vous ravive la forme. Écoute, écoute. Nuit ce soir t'es ma reine, je voudrais que ton cœur danse. Je sais que c'est illusoire car je suis en errance. Souvent je me sens seul mais je sais qu'on me ressemble. Il a fallu que j'avance et c'était qu'un entraînement. Et derrière les cagoules y'a des larmes et des sourires. Tu voyages sur la lune, viens pas nous traiter d'étourdis. Nous terre à terre, mourir d'amour, de feu peut-être ou pire. Consomme ma raison, les produits qui vont avec, c'est pas la solution mais tous te diront que ça le fait. On en veut encore mais pas d'humeur à comparaître. Ton époque pue la merde donc ne crois pas qu'on s'arrête. On a poussé l'espoir, il est passé par la fenêtre. En vrai on kiffe la zik mais qui voudrait la remettre. J'ai perdu mes notes donc je divague à peu près. Personne ne connaît la suite même si tout se calmerait. Aïe. Personne ne connaît la suite, même si tout se calmerait. Aïe, synthé, on danse un peu. Le S, c'est le S. Aïe. 4-0 sur l'horloge, c'est pas un nouvel an. C'est un jour comme un autre où tout est grand. Y'a plus de canettes vie que tout le Wu-Tang Clan. Là j'ai une tache de larmes, tatoué et d'encre. Je m'envole dans les airs pour un énième tour de piste. Quand j'insulte ta mère, tu sais que c'est pour de rire. Diamant dans le ciel et tour de pise. 1-3-1-2, j'ai le goût de vivre. Entre tension et passion, là c'est la prise au vent. Peut-être qu'on manque de force mais jamais d'endurance. Mate la foule en liesse quand je tape le beat autant. Moi je nous rêve libre, sauvage et virevoltant. On a brûlé nos heures et le drapeau tricolore. T'avenir, l'avenir est flou dans nos vapeurs inodores. C'est le 21ème siècle, pas celui des dinosaures. Là faut péter les murs face à ceux qui nous ont mis trop de portes. Vra vra. Arrêtez-le. Aïe aïe aïe aïe aïe. Ah ah ah ah. Attends, oh. C'est toi le mojo maintenant. C'est lui, c'est lui, c'est lui. On se rapproche de la fin là, dis donc. Ok. Ça dit quoi? On est là ou pas, Radio Dio? On est là, on est là. Bop bop bop. Ok. Ok, wesh ça dit quoi? Wesh ça dit quoi? Ça rappelle l'enfer depuis campagne en scred. Wesh ça dit quoi? Ça rappelle l'enfer depuis campagne en scred. Aspin d'être à l'ancienne, se remettre en scène, veux dire repeindre la scène. J'en parle la flemme, j'épouse tout, j'vais taffer sur ces boum boum. Ce qui est fait n'est plus à faire, tu parles, j'ai tout fait en soum soum. Laissez parler là c'est trop, tu veux me faire jouer au récidivisme. Ça démarre les fois chaud, tu sais ça démarre les scéniques ici. Fuck l'éternité, tes rimes en vrac en attendant une perte. L'actualité j'm'en tape, moi j'suis un crack, bande à mes plantes vertes. Le thème est redondant, j'assume, y'a que ça qui m'inspire. Le fond a fait son temps, j'vois que la plume a fini d'instruire. Faut y donner du sens, ouais j'vais t'écouter l'ami. Tous les tamins c'est dimanche et merde, tous les soirs c'est samedi. Je me lève, j'écarte les wacks, on est tous entassés dans le style. Frère, je répète mes tags, mes faces, seul tout, je vais embraser la ville. Ouais, y'a son père qui m'égalait, y'a que 3 TB sur le take. Ferme ta gueule, tu l'as pas fait, y'a 2 EP sur le net. Une confiserie, un open bar et mes pirates t'attaquent. Chez l'OPJ, une œuvre d'art contre d'image macabre. Ouais, c'est quoi, protège tes seufs, mental primate, ta table. Frérot, qui nous protège des cœurs, retiens l'image de la bac. Session contradictoire, ouais, suffit d'une allumette qui nous contra l'histoire, check. C'est pas les manuels. Je voudrais ce flic en famille devant ce gamin éborgné. J'm'aime pas ces jeans de ma bille, tout comme ce gratin escorté. Paraît qu'il y en a dans les sons cales, ça sent l'oseille, c'est mal. Y'a pas de combat dans tes peurs, battant l'oreille, je sais pas. Ouais, la déprime, les bras balancent, y'a un bon plan, on s'arrache. On sait servir des apparences, j'suis content d'être blanc, garda. Lassé de trop de silence subtil, voilà ce que le confinement suscite. Ça m'a manqué de rapper, ça m'a passé les confidences sur beat. Fan de son qui se danse stupide, faut faire rentrer le mojo. Pas d'espoir sans musique, on est tous morts, ils ont flingué l'hosto. Y'a pas d'espoir sans musique, on est tous morts, ils ont flingué l'hosto. Faire rentrer le mojo. Ils ont flingué l'hosto. Allez Radio Dio. On arrive sur les deux dernières. Bye bye bye bye bye. Allez viens voir ces déflagrations. On enchaîne sur confiserie Dada, t'es chaud? Non, sur des déflagration, pardon, c'est pas grave, pour moi. Tant qu'on a le texte. C'est la triton. C'est pas d'être fou, c'est pas d'être fou. C'est pas d'être fou, c'est clair. C'était sincère, un coup de grisou plus tard. C'était sincère, un coup de grisou plus tard. J'écris des scènes, fais des déclarations. J'écris sans cesse, je crois que c'est de plus en plus tard. C'est pas un thème, moi j'suis une déflagration. C'était sincère, un coup de grisou plus tard. J'écris des scènes, fais des déclarations. J'écris sans cesse, je crois que c'est de plus en plus tard. C'est pas un thème, moi j'suis une déflagration. Affaire et père, et j'suis à l'autre bout du globe. Faites émerge, dansez pas le coup du sort. J'suis fier, c'est clair, j'ai rarement couru l'or. Mais j'continuerai la partie, mais pas pour ce foutu score. Ok, amener le silence, l'immensité d'état, 7 lieux sous l'eau. Faudrait s'émanciper de la meute et faire du king ou un heureux louveteau. Tétanisé comme Will Byers, à switcher seul dans les ténèbres. Avec brio, là je vis mes rêves, mais je crois que j'idolâtrie mes scènes. Je me vois en émonopodie, avoir l'impact d'une décision. Le prototype, ta propre vie entre les flashs et les visions. Je crois que je m'en tape des pétitions, qu'est-ce que j'en gratte des textes bidons. Je gravis des marches, des émissions, empile des droites à des petits cons. J'écris des lignes en punition, mais je retiens pas la leçon. La clé pour faire du son, elle est sous le paillasson. Ouais, je tente l'explication, je vais mettre au diapason. C'est que dans les chefs d'inculpation, il y avait même radiation. C'était sincère, un coup de grisou plus tard. J'écris des scènes, fais des déclarations. J'écris sans cesse, je crois que c'est de plus en plus tard. C'est pas un thème, pas un thème, une déflagration. C'était sincère, un coup de grisou plus tard. J'écris des scènes, fais des déclarations. J'écris sans cesse, je crois que c'est de plus en plus tard. C'est pas un thème, pas un thème, c'est une déflagration. Allez, on va apprendre à se connaître, on va teaser des lignes. Moi je veux régler mes problèmes et je viens complaire en faisant rime et des lignes. Ma ville c'est Medellin, tu sais que le trit est bénéfique. Je voulais chiller sur mon domaine et péter un système critique. J'ai bien grandi, je suis fier de Wam à toutes les seins glinglin. Bientôt les poules auront des Nike, ouais tout devient zinzin. Y'a beaucoup trop de questions, quelle sera la suite des événements. Y'a peut-être même pas assez de lésions et je vis la vie la véhément. Alors c'est quoi, c'est du courage, ton entourage en pleure. Ben je sais pas moi, c'est tout l'âge dans un mouroir en deuil. Des foutues rimes dans ce foutoir sensé. Ouais je m'accroupis dans ce couloir penché. Ouais tu sais que je t'aime plus que tout mais tu prends pas soin de moi. J'cris peut-être au loup mais rappelez le tout, tu crois qu'on s'abstiendra. Ma vie c'est turpin, teaser rap où on se contente de peu. On est des putains de misérables et peu importe le jeu. C'était sincère, un coup de grisou plus tard. J'écris des scènes et des déclarations. J'écris sans cesse, j'crois que c'est de plus en plus tard. C'est pas un thème, c'est une déflagration. C'était sincère, un coup de grisou plus tard. C'est plus des thèmes, non, des thèmes, déclarations. J'écris sans cesse, j'crois que c'est de plus en plus tard. C'est pas un thème, c'est une déflagration. J'en parlerai, hop, mes émotions s'emballent. Mais je pars opération vandale. Même si je veux pas d'une relation bancale. Souvent la même, toujours la même, j'en ai tellement, ouais, des raisons semblables. On est les oiseaux de la tempête, mais je suis le corbeau, ouais, je suis le mauvais présage. J'allais bien baquer mes phases et tous ensemble on fera passer mes sailles. Le somme de Tim Burton, les belles loufoques, les jolies laines. Je t'ai refait la coupe en trois couplets, j'ai du flow à la Johnny Depp. Je ferai danser mon pire ennemi, un fond vert et la voix sèche. J'ai dompté ma dyslexie, j'en ai fait un monstre à trois têtes. Il garde une trappe, faut croire, pleine de doses d'un instinct spectateur. Ouais, je gratte ta rap ce soir, c'est pas d'être fou que de vivre avec la peur. J'avais la fougue et la sanglote à la sortie de l'école. Toujours la boule dans les transports et au portique des shops. Faut que j'arrête de t'aigrer à la nuit, je la passerai dans un fumoir. Putain, faut que j'arrête de t'aigrer à la nuit, je crois que c'est de plus en plus tard. Ah! Aïe aïe aïe! Le mec est possédé. Un coup de grisou plus tard. T'entendais pas des bruits de bouteille d'eau, ça va? Non, ça va, c'est cool. C'est super, les bouteilles d'eau. Après, en vrai, tu les entendais? Vous les voyez pas, mais là, ils commencent à être tout rouges. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Hein. Ouais. Ça s'essouffle, mais c'est la dernière qui arrive. C'est la dernière qui arrive. Allez. Merci, Joe, pour l'accueil. Spécial pour Synthé, spécial pour la Ferrarock et les radios qui rediffuseront peut-être ce concert. Merci à vous encore. La dernière, elle est pour toi, Espoir. Ouais. Et d'ailleurs, tu la connais, celle-là, hein? Je la connais un peu. Merci pour l'enregistrement. Ok. Merci Synthé, QLV Crew, au micro. Ok, écoute, Espoir. Comme tous les soirs de la semaine, je voulais me coucher tôt, mais je finis par boire une bière et siffler l'air du moribond. Atmosphère prude, agilité de Do King Kong, une goulée de rhum et une instru pour charter tous mes mots. J'ai pas besoin d'un classique pour faire danser les morts. Le quotidien suffit pour retourner toutes les tombes. On vide la taille au sol pendant qu'on rêve d'une attaque météore. Le C2R en force, mais qui sommes-nous pour la ruiner rond? On s'est construit face aux normes, chacune est façonnable. Un sourire abordable versus des larmes qui débordent. Siphonne à plein d'amour quand le feu légitime les actes à l'abordage. foutu mon dégris et réac. On est loin d'Alexandrie, mon entend la sirène des ports. Sans paplard, VS passeport, nique le port d'armes de Benalla. Dans un nuage de la crie, impunité s'en alla. La rue s'embrase, la luxure brûle. Oui alors, vas-y, bouge la tête et lève ta main. Que la sueur des ombres envahisse la salle. Un verre d'essence avec la rage au petit matin. On a un monde à reprendre et des ambitions de passage. Vas-y, bouge la tête et lève ta main. Que la sueur des ombres envahisse la salle. Un verre d'essence avec la rage au petit matin. On a un monde à reprendre et des ambitions de passage. Pourquoi jouer dans les règles quand elles nous mettent à part? Seuls tes rêves t'appartiennent jusqu'à ce que ta condition sociale. Un carbure contre une vitre et tout éclate d'un trait jovial. Pas de fin en soi, juste une réponse dans une époque en métastase. Je passe ma vie en extra et c'est que de la mécanique. Un plus un ça fait pas 10, donc l'urgence écourte notre rêve. On se reposera quand on sera mort en attendant, bouffe nos cernes. Car les étoiles dans ton rêve ne sont pas très tactiles. Je pète la dalle et je pète des portes, je pèse ma race et je pèse mes mots. Je pars en fête afin d'éviter des coups de gueule en série. Leur putain de monde s'affirme pendant qu'on pleure nos idéaux. Donc là, t'étonnes pas que je rappe, couille, cœur et dents serrées. Ça boue en moi, mais ça caille même quand l'intérieur fait rage. Pulsion sauvage, instinct de pirate et l'eau de feu pour vidanger. Pas d'or au bout des doigts, mais un morceau de ferraille. Et là, c'est pas qu'une chanson que je suis en train de manigancer. Vas-y, bouge la tête et lève ta main. Que la sueur des ombres envahisse la salle. Un verre d'essence avec la rage au petit matin. On a un monde à prendre et des ambitions de passage. Vas-y, bouge la tête et lève ta main. Que la sueur des ombres envahisse la salle. Un verre d'essence avec la rage au petit matin. On a un monde à prendre et des ambitions de passage. J'aime le rouge de mon sang et le noir dans mes yeux. Je t'invite pour un pas de danse, quoi faire quand on est les deux. Quand on est dans un camp, on est quand on est pour les autres. Trace ta route et fume la vie au mégot. T'as vu le ciel est gris entre leur avenir et leur raté. Laisse parler les aigris, veulent que le soleil s'érode. Et rien que pour mon fils, ils tueront pas nos belles années. Wesh la mif, retourne la salle comme on retournera à cette époque. Baramine et Baraton, viens faire sonner la maillotte, tabasse ton boss. Demain retour aux trois générations. Ça passe d'une vie à l'autre et sans récupération. Ça pousse au mur des cons et les navires des gardes-côtes. Donne le ton et donne le là, puisqu'on navigue sans prétention. Je navigue entre les astres et nos propres consternations. On est un produit inflammable, je suis en fuite avec Darwin. Les rires des hyènes se taisent quand poussent les fleurs de la nuit. Bah bah bah, merci Radio Jo. Merci Santé. Merci tout le monde, on s'est régalé. C'était trop plaisir de jouer encore ensemble, ça fait trop plaisir, merci. Merci à vous, ouais. C'était Espoir et Triton. Gros big up. Merci à vous de nous avoir régalé de ce petit set, les gars. Merci à toi. On s'est régalé vraiment.